Yeah. Je traîne mon ombre au bout du quai. Sous l'éponge, j'ai plus de paix. Le regard passe, rien ne reste. Je compte les jours comme des dettes. Le soir m'avale sans témoin. J'ai le cœur froid, les poches loin. Dans ma tête, c'est vide et sale. Même les rires ont pris le train. Coupé du monde, coupé du monde. On tient debout, mais de travers. Coupé du monde, coupé du monde. La ville nous laisse en hiver. Dans l'immeuble, les murs savent tout. Les cris collent aux escaliers. Les petits veulent brûler leurs doutes. Mais là je l'ai mort avant l'été. On partage rien sauf la fatigue. Des matins gris, des mains usées. Je fais semblant d'avoir la ligue. Mais je suis seul dans la foule serrée. Coupé du monde, coupé du monde. On tient debout mais de travers. Coupé du monde, coupé du monde. La ville nous laisse en hiver. Je parle bas, personne répond. Je me perds dans les néons morts. Si demain ferme ses rideaux, on sera là encore dehors. Coupé du monde, coupé du monde. On tient debout mais de travers. Coupé du monde, coupé du monde. La ville nous laisse en hiver.